bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de En route vers l'insertion. C'est Chris et pour ce nouveau numéro, je reçois Monsieur Pascal Zaug, directeur général de l'ARES de Remiremont, et Madame Sylvie Hervé, directrice des ressources humaines de l'ARES de Remiremont, qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, je vous remercie. Très bien, merci. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'association ARES? ARES est une association intermédiaire qui intervient dans le champ de l'insertion par l'activité économique. D'accord. Et qui met à disposition du personnel auprès de particuliers ou entreprises pour aider toutes les personnes qui recherchent un emploi de manière active. D'accord. Depuis quand existe-t-elle? L'association vient de fêter ses 35 ans et elle a été créée en 1984. D'accord. Que veulent dire les initiales ARES? Y a-t-il une signification particulière? Il y a eu une signification au départ, mais aujourd'hui, on utilise le sigle tout simplement parce que l'association a maintenant 35 ans et on essaye d'élargir au maximum le champ d'action d'association sans faire référence à un passé qui maintenant évolue avec la société. D'accord. Je le rappelle, je l'ai dit en introduction. Monsieur Zaug, vous êtes le directeur général de l'ARES. C'est ça. Et Madame Hervé, vous êtes la directrice des ressources humaines. Pouvez-vous chacun nous parler de vos différents rôles au sein de l'ARES? Alors, en tant que directeur général, je suis l'interface entre le conseil d'administration et les salariés opérationnels de l'association. D'accord. Donc, je suis là pour mettre en œuvre le projet associatif, pour gérer l'association dans toutes ses dimensions et alimenter le conseil d'administration pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions d'orientation. D'accord. Que nous appliquons. D'accord. Et vous, Madame Hervé? Donc moi, mon rôle en tant que directrice des ressources humaines, c'est de manager toute l'équipe de permanents qui œuvre auprès de notre personnel en insertion. D'accord. Et de m'assurer que tout le travail effectué est bien en adéquation avec la demande de la personne qui va venir s'inscrire chez nous et la mise en place du projet professionnel. D'accord. Quelles sont les différentes missions confiées à l'ARES et dans quel domaine? Alors, la mission principale de l'ARES, c'est la fonction pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire accompagner des personnes qui recherchent un emploi. D'accord. Pour les mettre dans une situation finale d'emploi durable. Et donc, les missions qui nous sont confiées par les utilisateurs qui utilisent nos services sont des missions qui sont, pour les particuliers, plutôt des missions de tâches ménagères, espace vert, petit bricolage. D'accord. Un peu de manutention, des choses comme ça. Et puis pour ce qui est de l'entreprise, alors là, on va être beaucoup plus large. Alors bien sûr, il y a toujours ces missions de nettoyage de bureaux, de locaux, etc. Mais il y a aussi toute la dimension d'activité des entreprises sur laquelle on peut être positionné pour des remplacements, par exemple dans le cadre de congés, dans le cadre d'absence pour maladie ou alors tout simplement dans le cadre de surcroît de travail. D'accord. Est-ce que vous choisissez, entre guillemets, en fonction de chaque profil, là où les personnes qui sont, selon vous, aptes à effectuer la tâche confiée à l'ARES? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fonction de la demande de l'utilisateur, nous allons bien sûr chercher dans le fichier de salarié la personne qui est la plus apte à effectuer la mission et surtout s'assurer que la mission est bien en adéquation avec le projet professionnel de la personne. D'accord. Mais ça permet aussi également de valider certaines qualités professionnelles. D'accord. Donc on va vraiment choisir le profil en fonction de la mission. D'accord. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas pour vocation de faire une carrière dans le milieu du ménage, par exemple, vous n'allez pas lui donner une mission de ménage à faire? Ou ça peut arriver que si? Mais bien sûr que si. D'accord. Parce que la personne qui va venir chez nous va venir s'inscrire parce qu'elle est un peu perdue dans le choix de son projet professionnel. D'accord. Et faire de la tâche ménagère peut lui permettre aussi de découvrir d'autres métiers. La tâche ménagère, ce n'est pas spécialement auprès du particulier. Elle peut faire aussi du ménage dans des entreprises de nettoyage, dans un hôpital, dans des collectivités. Donc ça peut ouvrir aussi d'autres portes. Parce que quelquefois, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, mais en découvrant la tâche ménagère, on se dit, tiens, et si j'allais travailler à tel ou tel endroit? D'accord. Donc je propose que nous nous lançons directement dans une première pause musicale. Nous allons écouter Mike Brandt avec Serre les poings et bats-toi. Et on se retrouve juste après. Bats-toi, serre les poings et bats-toi. ceux qui veulent t'empêcher d'être heureux. Bats-toi et tu seras libre. Mais quoi qu'il arrive, ne perce pas les bras. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Mike Brandt avec Serre les poings et bats-toi. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Pascal Zaugue, directeur général de l'ARES, et de Madame Sylvie Hervé, directrice des ressources humaines de l'ARES. Ça va toujours ? Ça va toujours bien. Toujours. Donc, est-ce qu'avant chaque embauche, vous vous réunissez afin de débattre sur qui sont les meilleurs profils pour les différentes missions ? À l'ARES, on n'embauche pas. D'accord. À l'ARES, on accueille toutes les personnes qui viennent frapper à sa porte. D'accord. Par contre, il y a des critères d'éligibilité. Il faut travailler moins de 24 heures, mmh. Il ne faut pas avoir atteint l'âge de la retraite et il faut adhérer à l'accompagnement. D'accord. Si ces critères sont bons, à ce moment-là, un dossier d'inscription va être remis à la personne et un rendez-vous avec une accompagnatrice socio-professionnelle lui sera donné. D'accord. Et il y aura une présentation de l'association et la personne décidera si oui ou non elle veut continuer le parcours avec nous. Une D'accord. fois que ce dossier est passé, donc une fois que l'ASP a bien déterminer le profil. Une commission se réunit. Ça nous permet aussi de traiter avec équité tous les salariés, toutes les personnes qui viennent frapper à la porte de l'ARES. Et effectivement, là, on va pouvoir orienter ou pas les personnes vers un autre organisme ou les garder réellement chez nous pour leur donner des missions. D'accord. Avez-vous un ordre d'idée du nombre d'utilisateurs de l'ARES ? Oui, on peut estimer à environ 2500 utilisateurs qui nous font confiance. Répartis en gros moitié-moitié entre les particuliers et ce qu'on appelle les professionnels, que sont bien sûr toutes les entreprises, les commerçants, les artisans, les professions libérales, mais également les associations et les collectivités. D'accord. Cette association, donc l'ARES, comporte-t-elle uniquement des salariés ou vous arrive-t-il de confier des contrats à des bénévoles ? Alors, on ne peut pas confier des contrats à des bénévoles. S'ils sont bénévoles, ils sont bénévoles. On a bien sûr, en tant qu'association, un conseil d'administration constitué évidemment de bénévoles. D'accord. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a donc des salariés permanents qui sont donc là pour animer le projet associatif, pour permettre à toutes les personnes que nous accompagnons d'être mis en mission auprès de nos utilisateurs au travers de missions. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être du ménage, ça peut être du remplacement de salariés. Donc, quand on parle de remplacement de salariés dans les différentes activités, ça peut être dans l'hôtellerie, par exemple, une femme de ménage, ça peut être quelqu'un pour faire de la plonge, ça peut être dans le bâtiment, quelqu'un pour poser des bordures ou pour simplement être manutentionnaire. On peut être dans le textile aussi. Enfin, voilà, on peut aller dans toutes sortes d'activités à partir du moment où il n'y a pas besoin d'une haute qualification, évidemment. D'accord. Puisque ce sont des gens qui, bien souvent, sont en reconversion ou qui sont en train de réapprendre un métier ou qui n'ont jamais travaillé, qui se mettent au travail. Donc, on est plutôt, nous, dans notre manière de travailler, sur la recherche des qualités professionnelles, le savoir-être des gens plutôt que le savoir-faire. Et les salariés permanent, donc qui anime la partie opérationnelle de l'association. Donc il y a bien sûr, on vous l'a dit tout à l'heure, donc je suis moi-même directeur général, il y a Madame Hervé qui est directrice des ressources humaines. Nous avons deux managers de secteur, parce que comme notre secteur est quand même assez large, puisqu'il couvre la moitié du département, nous avons donc deux managers pour épauler les équipes. Nous avons un service comptable avec deux comptables, nous avons 5 accompagnateurs socioprofessionnels et 5 conseillers professionnels. L'accompagnateur, comme son nom l'indique, il accompagne les personnes que nous suivons pour les aider à trouver des solutions à toutes leurs problématiques, leurs difficultés, essayer de lever les freins à l'emploi. Et les conseillers professionnels sont là pour mettre en mission les personnes que nous accompagnons et faire le lien entre le salarié et l'utilisateur. D'accord. Pour effectuer les tâches que l'utilisateur nous demande d'effectuer. D'accord. Donc, bien que l'ARES n'embauche pas, est-ce qu'on peut dire que l'ARES, justement, est, entre guillemets, la patronne d'un certain nombre d'utilisateurs ? Alors, ce ne sont pas on ne peut pas être patron des utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont ce qu'on pourrait appeler dans une entreprise classique des clients. D'accord. Donc, nous, on est les salariés que nous accompagnons, enfin, les gens que nous accompagnons sont salariés quand on les met en mission. Et là, on est bien sûr l'entreprise qui est l'employeur. Et justement, les utilisateurs n'ont pas cette difficulté d'être l'employeur. Et on a justement l'avantage, en passant par nous, de ne pas supporter non seulement toute la partie administrative en tant qu'employeur, mais surtout de supporter le risque de l'employeur avec toutes les difficultés que chacun connaît d'être employeur et les problèmes que ça peut poser. Donc ça, c'est un avantage qu'on propose à nos utilisateurs, c'est de justement leur enlever toutes ces difficultés et toute cette charge administrative et de venir chez nous. Ils n'auront juste qu'à nous confier la mission, nous dire ce dont ils ont besoin et on leur envoie des personnes pour effectuer les missions. D'accord. J'imagine que l'ARES couvre un certain territoire. Quel est le territoire couvert par l'ARES ? Alors le territoire de l'ARES, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la moitié est du département. On est au départ créé sur Remiremont et ses vallées Moselle-Moselotte. Puis on s'est créé sur Géramé, puis sur Saint-Dié. Et puis, depuis le 1er janvier, nous avons ouvert une antenne également à Épinal. Donc nous couvrons toute la moitié est du département. D'accord. Donc, il y a un établissement ARES dans chacune de ces villes ? C'est ça. D'accord. Donc, je propose que nous nous lancions dans une deuxième pause musicale. Nous allons écouter Johnny Hallyday avec L'Envie et on se retrouve juste après. Pour rêver à des femmes. la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. On me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Johnny Hallyday avec L'Envie. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Zog et Madame Hervé Delarès de Remiremont. Ça va toujours ? Ça va toujours. Tout bien. Je suppose, comme toutes les associations, que l'ARES a certaines valeurs. Quelles sont-elles ? Je vais vous lire les valeurs telles qu'elles sont déclinées dans notre projet associatif. D'accord. Donc nous avons mis l'humain au cœur de notre combat. Nous avons mis le respect au cœur de nos intentions. L'accompagnement au cœur de nos actions, et le professionnalisme au cœur de nos ambitions. D'accord. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce projet associatif, ces valeurs-là, elles ne sont pas tombées du ciel. Ça a été un véritable travail collaboratif au sein de l'association. Il y a eu de véritables réflexions. Il y a eu de nombreuses réunions. C'est un travail qui a duré plus de 2 ans pour que tout le monde s'approprie bien ces valeurs-là, soit d'accord avec ces valeurs-là, et puissent les mettre en œuvre de manière effective. Ce ne sont pas simplement des mots, parce que bon, ce sont des beaux mots, hein, quand on voit ces valeurs-là, ce sont des beaux mots, mais au-delà des mots, il faut qu'il y ait des actes concrets qui soient, et c'était véritablement un gros travail en interne pour que les mots correspondent à nos actes. D'accord. Donc, voilà, je tenais à le préciser, parce qu'un projet associatif, c'est le cœur du dispositif de l'association, c'est ce pourquoi elle est créée et ce pourquoi elle s'engage. Et donc voilà, les valeurs qui en sont issues sont extrêmement fortes, mais elles sont porteuses non seulement de valeurs, mais d'actes. D'accord. On a tout à l'heure rapidement abordé le parcours d'accompagnement. Comment ce parcours est-il construit et comment se fait-il ? Il y a plusieurs étapes dans le parcours d'accompagnement à l'ARES. D'accord. Donc après, bien sûr, l'accueil et l'inscription, les conseillères professionnelles vont faire une évaluation des compétences de la personne. Nous allons un petit peu tester certaines compétences, donc principalement le ménage, parce que c'est là que c'est le plus facile pour nous. Mais ensuite, on va les laisser en période d'immersion pendant 2 à 3 mois. Hein. C'est en fonction de la personne qu'on va avoir en face de nous. Hein. Tout le monde n'est pas dans la même case, comme on dit. Nous, on ne les met pas dans des cases. D'accord. On prend vraiment en considération la personne qu'on en a en face de nous. Oui, on laisse aux gens le temps de s'installer. Voilà, d'accord. On les laisse s'installer dans l'association. On leur donne quelques missions. Et ensuite, l'accompagnatrice socio-pro va recevoir cette personne en entretien, un entretien qui va durer à peu près 2 heures, où elle va faire un diagnostic, une photographie de la situation de la personne. D'accord. Parce que l'accompagnement de l'ARES, il est vraiment mis en place dans le cadre du professionnel. C'est-à-dire qu'on va lever certains freins on va détecter des freins. Après, ceux que l'on peut lever, on les lèvera. Mais il y a des freins que nous, on ne pourra pas s'occuper. Donc, on va orienter ces personnes-là vers d'autres organismes. D'accord. Et ensuite, une fois que ce diagnostic est posé, nous réunissons l'équipe sociale, donc les conseillères professionnelles, les accompagnatrices socio-pro de tout le secteur de l'ARES. Et nous allons essayer de trouver au mieux l'accompagnement qui sera fait avec cette personne. Parce que l'accompagnement est fait par le biais d'entretiens individuels, mais aussi par le biais de modules collectifs. Nous avons différents modules collectifs et ces modules collectifs sont basés principalement sur les savoir-être, ce qu'on appelle aujourd'hui les qualités professionnelles. D'accord. Où on va travailler, arriver à l'heure, savoir se présenter, utiliser les bons mots dans le cadre d'un entretien de recrutement, savoir aussi aller vers un utilisateur, parce que bon, on va aussi les envoyer vers des particuliers, il faut qu'ils sachent se présenter. D'accord. Grâce à ce parcours d'accompagnement, est-ce que l'ARES conduit systématiquement les personnes accompagnées vers un emploi stable ? Alors, pas forcément. L'objectif principal, c'est d'atteindre justement les objectifs mis en place dans le cadre de l'accompagnement. Après, dire qu'on va trouver un emploi stable, oui, bien sûr, on aimerait bien, mais on ne peut pas le faire pour tout le monde. Mais à partir du moment où on a mis quelqu'un dans une démarche de remise au travail, qu'on a redonné envie justement aux gens d'aller vers l'emploi à l'extérieur de l'ARES, on a déjà atteint un bel objectif. D'accord, d'accord. On a un petit peu également parlé tout à l'heure. Pendant combien de temps se fait l'accompagnement par l'ARES ? Y a-t-il une durée limite ou alors les personnes accompagnées peuvent-elles rester, entre guillemets, à vie à l'ARES ? Aujourd'hui, on ne peut pas rester à vie à l'ARES. D'accord. L'accompagnement, une durée, je ne peux pas donner une durée parce que chaque personne est différente. Et si justement on met l'humain au cœur de notre combat, c'est bien pour pouvoir adapter notre accompagnement à chaque personne. Donc on a des personnes qui vont entrer chez nous et au bout de quelques mois vont pouvoir sortir sur un emploi durable. D'accord. Et on a d'autres personnes où il y aura beaucoup plus de freins à lever et où on va travailler avec elles un an, deux ans, trois ans. On va prendre le temps qu'il faut pour justement ne pas les mettre en situation d'échec et ne pas faire un retour en arrière. Si on les sort trop rapidement, on risque de les mettre dans la difficulté. D'accord. Donc on va vraiment travailler. Mais par contre, il y a une chose qui est indispensable, il faut que les personnes qui sont en accompagnement adhèrent à l'accompagnement. Ils ne peuvent pas venir à l'ARES que pour avoir des heures de travail. Si l'accompagnement D'accord. n'est pas accepté, nous, on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour eux. Il y a vraiment une envie de leur part de vouloir sortir de l'association. D'accord. Donc, je voudrais rajouter qu'en plus, une association intermédiaire, comme toutes les structures qui sont dans l'insertion par l'activité économique, nous sommes agréés, on a un conventionnement avec l'État et nous avons des obligations. Nous avons des choses à faire, nous avons des choses sur lesquelles nous ne devons pas nous positionner. Les personnes que nous accompagnons, nous ne les prenons pas en contrat pour qu'ils aient un travail définitif. Et c'est pas, nous ne sommes pas une entreprise qui les employons. C'est juste un outil qui permet, dans le cadre de l'accompagnement, de corriger les problématiques sur lesquelles ils butent pour retrouver un emploi. Une fois que ces problématiques sont levées, ils n'ont plus besoin d'être chez nous. Ils vont à l'extérieur, pouvoir trouver un emploi. Mais cet emploi qu'ils vont pouvoir trouver, ils vont le trouver à condition que le marché le propose. Ça peut aussi prendre quelquefois un peu de temps. Il faut attendre qu'il y ait une offre qui corresponde. Il faut peut-être quelquefois déménager. Il faut quelquefois s'adapter. Le projet que va avoir la personne, elle ne va pas forcément trouver tout de suite le bon emploi. Donc elle va se positionner sur un emploi ou sur une formation, sur quelque chose à court terme pour aller plus tard sur son... Voilà. C'est une histoire de vie aussi, quelque part. Donc, on ne peut pas tout de suite dire qu'à la sortie d'une structure comme la nôtre, systématiquement, les gens auront tout de suite l'emploi qu'ils désirent de manière durable, un CDI à temps complet tout de suite. Non, pas forcément. C'est ce qu'on espère pour eux. On les met en condition pour qu'ils puissent l'avoir. Et puis, dès que le marché et qu'une offre d'emploi se positionne, se propose, ils pourront la prendre. D'accord. On va leur donner les clés, en fait. D'accord. Comme on en parlait tout à l'heure, adhérer donc à l'accompagnement, c'est vraiment la condition sine qua non pour être accompagné par l'ARES. C'est ça. La personne qui n'adhère pas à l'accompagnement ne peut pas se voir les missions confiées. L'accompagnement est la première chose à accepter quand on franchit la porte de l'ARES. D'accord. Quelles sont, s'il y en a, les conditions pour être accompagné par l'ARES ? Est-ce que tout le monde peut être accompagné ? Chaque personne qui est inscrite chez nous est accompagnée. D'accord. Donc il n'y a pas de conditions. En fait, toutes D'accord. les personnes qui, à partir du moment où ils sont dans les critères d'éligibilité de l'association, Eh bien, on va les accompagner. Ils auront des accompagnements différents. Il y a 3 types d'accompagnements. Donc, il y aura, en fonction de la situation de la personne, il y aura un accompagnement qui sera adapté. C'est vraiment un accompagnement sur mesure. D'accord. Donc, on en parlait également tout à l'heure des bénévoles. Une autre question à peu près qui ressemble à ça. Arrive-t-il à l'ARES de prendre des stagiaires, soit au sein même de l'établissement de l'ARES, soit pour effectuer certaines missions? Alors, nous prenons des stagiaires dans le cadre des permanents. C'est-à-dire que là, nous allons accueillir à partir du 13 novembre une stagiaire qui prépare un diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. Donc, qui s'oriente vers un métier d'accompagnateur socio-professionnel. Par contre, nous n'allons pas pouvoir accepter des personnes qui font des formations d'assistantes de vie et de les prendre en stage pour les mettre en stage auprès de nos utilisateurs particuliers. Parce que nous ne pouvons pas demander à nos gens en accompagnement d'être tuteurs d'un autre stagiaire. Donc les stagiaires, on va les accepter, mais que dans le cadre des métiers liés aux structures d'insertion par l'activité économique. Donc que ce soit des comptables, que ce soit des accompagnateurs socio-professionnels, des conseillères, voilà, les fonctions support de l'association. D'accord. Donc je vous propose qu'on se lance dans une troisième et dernière pause musicale. Nous allons écouter Soprano avec Vincenzo pour Le Coach, et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Soprano en duo avec Vincenzo pour Le Coach. Nous sommes toujours en compagnie de Pascal Zog et de Madame Sylvie Hervé. Ça va toujours ? Ça va bien. Oui, oui, tout va bien. Donc, pour en revenir à notre sujet de conversation, l'ARS bénéficie-t-elle d'aides financières d'autres collectivités comme la mairie, Pôle emploi ou autres ? Alors, en tant que structure conventionnée par l'État, on a une aide financière pour accompagner les personnes, mais qui est assez modeste, même si vu le nombre, elle est importante, mais elle est modeste par personne, parce qu'on a une aide de 1 300, 1 400 euros pour accompagner un équivalent temps plein. Et chez nous, un équivalent temps plein, c'est à peu près 6 personnes. Donc vous voyez que ça ne fait pas grand-chose par personne pour une année. D'accord. On a la mairie de Remiremont qui nous donne une aide pour couvrir une partie de nos loyers. Voilà, mais c'est, on a également la Direct qui peut nous aider sur des projets d'investissement matériel, etc. Ou le département qui également est en appui sur des investissements. D'accord. Mais voilà, ce sont des aides quand même plutôt ponctuelles, de faible valeur au regard des besoins. On a quand même une activité qui est relativement importante, avec, on peut quand même parler d'un chiffre d'affaires derrière tout ça, qui est quand même de plus de 4 millions d'euros. Donc c'est quand même, on peut considérer qu'on est déjà, si on se compare aux entreprises du secteur marchand, on est déjà une belle petite entreprise. Si on compare nos 19 salariés permanents et les 600 ou 700 personnes que nous mettons au travail tous les ans sur notre territoire. Donc on peut considérer quand même qu'on a déjà une belle petite entreprise. Mais les aides financières, même si elles sont là et qu'elles, bien sûr, apportent un complément, elles sont là pour compenser par rapport à une entreprise du secteur marchand classique le fait que les gens que nous font travailler ne sont pas sur leur métier forcément sur lequel ils se positionnent, donc pas forcément qualifiés, loin de là, que nous avons quand même un travail d'accompagnement de ces personnes qu'il faut quand même bien aussi couvrir et que derrière tout ça, nous sommes en autofinancement avec une activité économique qui doit nous permettre de financer 19 salariés permanents et puis les salaires des personnes que nous mettons à disposition. D'accord. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire. Qui vous sollicite ? Des particuliers, des... Alors oui, les personnes qui nous sollicitent, ce sont... Au départ, c'était uniquement des particuliers, puis la société évolue et aujourd'hui, on a une activité qui est à 50% sur les professionnels. Ce qui, pour nous, est important, c'est d'être à l'écoute de notre territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche pas forcément à se mettre sur tel ou tel secteur d'activité ou à contacter tel ou tel type d'utilisateur. On essaye d'écouter le territoire, de savoir de ce dont il a besoin et essayer de construire avec les acteurs du territoire les réponses aux besoins et trouver des réponses adaptées. Donc on s'adresse aux entreprises, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a un gros besoin. Si on regarde sur les Vosges, en gros 10 000 offres d'emploi sur l'année 2019, 18 000 chômeurs, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à rapprocher tout ça, qu'il y ait toujours autant de chômeurs alors qu'il y a autant d'offres d'emploi? Et c'est notre travail, nous, et pas que nous, mais entre autres nous, structure de l'insertion et donc association intermédiaire, de travailler avec nos utilisateurs et ceux qui pourraient le devenir, écouter le territoire, et c'est un appel qu'on peut lancer et dire, voilà, on est à votre écoute, on peut vous aider, contactez-nous et on essaiera de trouver ensemble des solutions à vos problématiques. On n'a pas de réponse toute faite, il faut qu'on les construise ensemble, mais il y a forcément un moyen de rapprocher l'offre et la demande et de satisfaire les entreprises qui aujourd'hui sont aux abois. Parce que l'activité économique est là, il y a de l'emploi, mais ils n'arrivent pas à recruter. Donc nous sommes là pour ça. Oui, donc c'est un véritable travail d'équipe. Tout à fait. Avez-vous beaucoup de retours positifs de personnes qui ont fait appel à vous, d'utilisateurs, pour effectuer telle ou telle tâche ou pas ? Oui, on a des retours positifs, mais nous avons également des retours négatifs. Et nous avons besoin aussi des retours négatifs pour pouvoir améliorer justement l'accompagnement de la personne qui y a eu peut-être un comportement inadapté ou qui n'a pas les compétences suffisantes. Donc c'est vrai qu'à chaque utilisateur, et j'ai envie de leur dire, utilisateur de l'association, n'hésitez pas à nous faire remonter tous les dysfonctionnements que vous pouvez constater quand on vous met un salarié à disposition. Nous, ça nous aide vraiment pour apporter une aide à la personne en insertion. D'accord. Oui, donc vous acceptez toutes les critiques tant qu'elles sont constructives. Mais bien sûr. Et c'est constructif. Et il ne faut surtout pas que les utilisateurs aient peur de faire remonter le négatif de chaque situation. Heureusement pour nous, nous avons beaucoup de positifs. Mais quelquefois, nous avons du négatif. Et on aime bien aussi de prendre en compte ce négatif pour pouvoir améliorer. Et oui, puis je rajouterais que c'est ce qui fait avancer les gens que nous accompagnons. C'est-à-dire, c'est en leur disant ce qui ne va pas qu'on va leur permettre d'évoluer. Si quand quelqu'un fait mal son travail, on lui dit oui, mais non, mais c'est bien, ce n'est pas bien le considérer. c'est croire ou lui faire croire ou le considérer comme quelqu'un qui n'est pas capable d'évoluer. Alors, les personnes que nous accompagnons sont bien sûr tout à fait capables d'évoluer, à condition qu'on les aide et qu'on les conseille, qu'on soit attentif à leurs difficultés et qu'on leur donne les pistes et les clés pour arriver à résoudre leurs difficultés. D'accord. Donc justement, est-ce que ça vous arrive, par exemple, de renvoyer entre guillemets un utilisateur parce qu'il a reçu trop de critiques négatives ou pas ? Alors, de renvoyer un utilisateur, quand vous dites utilisateur, c'est la personne qui va utiliser les services de l'ARS ou c'est le salarié ? La personne qui vient chez vous pour essayer de trouver un emploi ou quelque chose. D'accord. Non, justement, nous, notre travail, ça va être d'agir sur tout le négatif. Donc, on ne va pas dire à une personne de sortir de chez nous parce qu'il y a du négatif. Elle est là pour ça, d'ailleurs. Elle est là pour ça. Elle est là pour qu'on l'aide. La personne qui sortira de chez nous, soit elle aura atteint les objectifs de son parcours d'accompagnement, soit, effectivement, on ne peut rien faire pour elle. Le comportement est complètement inadapté et là, on ne pourra rien faire pour elle non plus. Mais notre but, c'est bien de réduire tous ces freins liés à l'emploi. D'accord. Est-ce que tous les âges, à partir de 18 ans, peuvent venir à l'ARS ? Ou est-ce que c'est à partir de 25 ans ou je sais pas. Tout le monde, enfin, de 18 à l'âge légal de la retraite. D'accord. Que pourriez-vous dire à un nouvel utilisateur ou à une nouvelle utilisatrice de l'ARS ? Quel conseil lui donneriez-vous ? Alors, on l'a déjà pas mal évoqué, c'est déjà qu'en faisant appel à l'ARS, l'utilisateur n'a pas toutes les difficultés que peut rencontrer un employeur, n'a pas toute la responsabilité, tout le risque, ni la charge administrative. Pour un particulier, l'avantage mais qu'il va retrouver dans toute structure des services à la personne, c'est qu'il va pouvoir bénéficier sur les services à la personne d'un crédit d'impôt, comme toute structure de services à la personne, toute société, puisqu'il y a des sociétés aujourd'hui, le secteur marchand s'est largement emparé des services à la personne. Et tous ceux qui proposent des services à la personne permettent d'obtenir ce crédit d'impôt. Pour les entreprises, pour les professionnels en général, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de l'utilisation de nos services, l'entreprise va pouvoir trouver une réponse et valoriser sa responsabilité sociale d'entreprise. Et elle va aussi pouvoir répondre aux clauses sociales, aux marchés closés qui sont proposés par les collectivités. Et en faisant un appel à nous, elle va pouvoir trouver une solution de réponse à cette obligation. D'accord. Donc nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Si nous voulons entrer en contact avec l'ARS, comment pouvons-nous nous y prendre ? Oh bien, il y a plusieurs solutions. C'est déjà tout simplement notre numéro de téléphone, le 03 29 23 02 54. D'accord. Ça peut être l'adresse mail de l'association contact@ares88.fr et puis tout simplement le site de l'association ares88.fr. D'accord, ou se rendre directement dans un des établissements ARES. Ou se rendre dans un de nos établissements, Remiremont, Gérardmer, Saint-Dié et Épinal. Et à Remiremont, nous sommes au 72 boulevard Thiers. D'accord, bah je mettrai toutes ces informations en bas quand l'émission sera disponible, en petite information. Un dernier mot peut-être avant de conclure cette émission ? Oui, juste un dernier mot pour dire que nous sommes attentifs à toutes les problématiques de notre territoire. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a de véritables enjeux du recrutement. C'est notre métier. Mmh. On est des spécialistes du recrutement, puisqu'on connaît quand même très bien les personnes que nous accompagnons, pour les suivre pour certains pendant des mois. Mmh. Donc nous les connaissons bien. On est prêt à écouter les besoins des professionnels pour savoir quels sont les enjeux, quelles sont leurs difficultés, quels profils ils recherchent, et essayer de trouver avec eux des solutions autres que celles qui existent aujourd'hui, et travailler ensemble pour voir comment on peut attirer ces publics qui ne viennent pas, comment on peut, nous, les préparer mieux, différemment, je ne sais pas, comment peut-être faire des premières formations, préqualifications, sur quoi les orienter, comment, pourquoi pas faire des visites d'entreprise, pourquoi pas, enfin voilà, on est vraiment ouvert à tout ce que chacun peut penser qui pourrait être bon pour améliorer et trouver des solutions à nos territoires qui sont en souffrance. Et dans les Vosges, il y a, contrairement à ce que certains pourraient dire, il y a énormément de propositions d'emploi. D'accord. Donc c'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de En route vers l'insertion. Je remercie une nouvelle fois Pascal Zog et Sylvie Hervé d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radioguebozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo, avec tous les liens utiles, toutes les informations utiles. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de En route vers l'insertion, et lundi pour un nouveau numéro de La Crèche du cinéma, mais vous connaissez la chanson désormais. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine.